Vaccin est essentiel. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on va aller faire un tour du côté de l'Italie pour donner le coup d'envoi du premier bloc musical avec une formation que je ne connaissais pas. Je pense que c'est son premier essai, sauf erreur. Le groupe a pour nom Il Buco del Bacco et l'album Sotto il Segno della Lambretta. Et puis, ça sera suivi d'une formation. Il y a un lien avec l'Italie parce que c'est une formation japonaise qui a travaillé longtemps sous le nom de Cicla Temensis et qui maintenant œuvre sous le nom de Kiku Latte. Le premier album Stories est paru sur une étiquette italienne, donc tout récemment. Et puis on aura aussi du Royaume-Uni, Catalyster, un premier album. Et puis, Marc, je pense qu'on va avoir aussi quelque chose du côté de l'Italie pour suivre et de la Norvège, si je ne m'abuse. Oui, il y a la formation Fofluns dont on présente un premier extrait, le plus récent album Refusé, écrit comme en français avec un accent, c'est drôle. Oui, c'est un groupe qui a été formé en 2009 et qui réunit des musiciens Il Bacio da Medusa, Tyrion, The Watch, entre autres. Alors, c'est leur troisième album. Et on aura également Anders Boas qui vient de faire paraître son album, là, l'album Tarot, dont on a fait jouer déjà plusieurs extraits à l'émission. L'album paraissait le 24 juin. Donc, on aura un extrait du nouvel album de ce multi-instrumentiste, guitariste norvégien Anders Boas. Mais tout d'abord, Il Buco del Bacco, Kiku Latte, Catalyster et Fofluns. Strano lo so, ma a me sembra vero di aver visto la mia rodalisca. Le ho appannato qua giù il mio casco, perciò forse cade in errore la vista. Sparata sei grossa, me sembra un po' grassa, un'occhiata di sole sfuggita. Mi è passata davanti altri pesci, ma quanti un istante di colpo è sparita. Cerco una donna nell'acqua, ma non c'è. Inseguo un'ombra in un mare di spugne. Forse vedo i suoi lisci capelli, fuggono a sciami dei ricci. seguo manzo, forse lei e forse no. Tra gli anemoni di mare, squali che hanno fame, io la trovi, spero accada, mi trafigge il cuore questo amore, ma mi fermo un pesce spa. Da dove vuoi che vada? Se tu vuoi indietreggero, disse il gambero vero, quest'amore a mare, se lei non ama come me, se non vuoi che l'amo sia, esca dalla vita mia, sì, vabbè, ma adesso cosa vuoi che sia? Penso sia lei, ma l'amore che sento fa scherzi assai strani nel buio. Tra i suoi neri capelli non credo le sappia come nascondersi in un nero di seppia. Forse lei non è la mia rosa lisca. Thank you. sign to help me navigate the way. Lies just beyond our borders. You're so near and yet so very far away. Signals getting weaker. A memory to hang on every word you say. Our words succumb to gravity. Don't leave me in the dark. Tell me what to do. This atmosphere is palpable. Life support is just a childish game we play. Time is burning all reserves. Narrow windows hide the periphery. Seconds slowing, stretching out. Falling down to earth, the ocean meets us there. The oxygen is bleeding out. We'll be orbiting on any given day. Open the parachute to let me down. When the stars go out in our space, waiting to be saved. We're looking at it. mezzo al fango, oggi a scuola non ci andrete, è chiusa. Il sole in alto è un compasso, pianta il puntello e gira sulla schiena curva come un topo sulla pancia, sento la fame e la stanchezza. Scava, scava, scava, scava, scava, scaverà, scava. Da qui dal suono del mio flauto, forza scoppate a testa bassa, questa sarà certo la vostra voglia buona, come un lombrico sulla sabbia, striscia e si schianta sulla roccia. Fruga, fruga, fruga, fruga, fruga, frugherà, fruga, fruga, fruga, fruga, fruga, finché lui risplenderà. Sull'erba umida mi porta.

vendredi soir, 18h30, au 89.1. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boiteapain.com. Seb's Thé et Lounge est l'endroit par excellence pour se procurer votre thé. Vert, blanc, noir, oolong ou puer, chaque variété a été sélectionnée avec soin auprès des meilleurs producteurs pour assurer des importations de qualité. Que vous soyez un consommateur occasionnel ou un fin connaisseur, Seb's et son équipe seront vous accompagner pour découvrir des saveurs qui vous feront voyager. Seb's, la fraîcheur dans chaque tasse. Passez en boutique au 67 René Lévesque Est ou sur sebs.ca. Le samedi 10 juillet, rendez-vous au Petit Théâtre de Québec pour assister à un programme double de théâtre complètement déjanté. Deux pièces de Tristan Bernard qui vous feront pleurer de rire dans une scénographie éclatée et une mise en scène digne des plus grands vaudevilles. Amateurs de théâtre d'été et d'humour absurde, joignez-vous à nous pour célébrer l'été et le déconfinement. Le seul bandit du village et l'étrangleuse, deux représentations le samedi 10 juillet à 17h et à 19h au Petit Théâtre de Québec. Réservez dès maintenant vos places au www.zitabombardiertouret.com. On va amorcer notre second bloc musical avec une formation qui nous vient de Finlande, Pennies by the Pound. C'est le second album de cette formation. L'album pour titre Eat Death of the Universe. Et le premier est paru en 2018 sous le titre Bloodshed and the Blinding Sunlight. On peut parler ici d'un groupe progressif avec un petit brin de psychédélique. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Ça sera suivi par la formation britannique qu'on a découvert tantôt, Catalyster, l'album Welcome. C'est l'album Catalyster. Et la pièce, c'est Welcome to the Show. Et puis, Marc, après ça, je pense qu'on aura un invité français et italien par la suite. Oui, en effet, on ira d'un troisième extrait du nouvel album de la formation Nine Skies, une formation de Nice. Et tu en avais déjà présenté deux extraits de ce nouvel album il y a quelques semaines à l'émission. On aura ici, c'est un album beaucoup plus acoustique d'ailleurs, sur lequel il y a comme invité Steve Hackett. Et on aura ici la pièce Goddess Land. On ira ensuite avec la formation italienne Blacksmith Tales. C'est une formation qui avait été fondée dans les années 90 par le claviériste David Del Fabio, qui était inspiré du rock britannique et des grands groupes qu'on connaît du rock britannique des années 70. Alors, la formation est de retour avec un nouvel album paru au mois d'avril, l'album de Dark Presence. On aura donc une pièce de cet album. Et pour débuter, comme Michel vous l'avait annoncé, Pennies by the Pound et Catalyster. We'll be right back.

side, always looking in. The angels all blew away, lying in wait for the wave to fall. With the dam about to break, sins of old stirred awake, fallen stars all around. Willows place the tears within my eyes, slow the kraken wakes, fall into arms. Without sun, and Blue wind, Thank you.

Et entre les deux, ben, on aura une formation que Michel m'a fait découvrir grâce à l'émission Terrain Incognita, et c'est la formation Nodo Gordiano. C'est une formation qui est peu commune, Michel? Oui, on peut dire peu commune. Premièrement, parce que c'est une formation originaire de Rome, et puis, curieusement, il n'y a pas tellement de groupes de rock progressif qui ont émergé de cette ville. Bon, évidemment, il y a Banco del Mutuo Soccorso, mais les activités progressives sont principalement au nord de l'Italie, donc on peut dire oui, c'est particulier. Nodo Gordiano vient de Rome, un groupe qui a été formé en 1994, sauf erreur, et puis au début, c'était un groupe hommage à Genesis et King Crimson, comme beaucoup, beaucoup de groupes à leur début. Un premier album est paru en 1999 sous le titre de Nodo Gordiano. Et puis, le groupe a été un peu comme discret après le second Aléa est paru 6 ans plus tard en 2005. Flectogon en 2009. Et puis, dans le cas qui nous intéresse, le Nous, un album avec un titre en français. C'est drôle parce que ce soir, c'est le deuxième album d'un groupe italien avec un titre en français. Tantôt, on avait Fouflon avec Refusé. Et là, maintenant, Nodo Gordiano avec Nous. Et ça, c'est le disque qui nous intéresse parce que on va écouter un extrait de cet album paru en 2014. Et finalement, en 2020, soit l'année dernière, en fin de l'année dernière, le groupe nous est arrivé avec l'excellent Sonore. Et puis, ben, je ne vais pas faire de jeu de mots, là, mais malheureusement, on en parle de Sonore. J'ai l'impression que le groupe Nodo Gordiano est passé un peu sous le radar, mais pourtant, c'est des musiciens talentueux et beaucoup de recherches sur les arrangements. Puis, je serais tenté de faire un lien avec Cicada, parce que les gars aiment le matériel fouillé et risqué un peu peut-être des fois dans le cas de Nodo Gordiano. Enfin, écoutez, on va probablement faire découvrir le groupe à certains avec cet album qui a pour titre Nous. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on va écouter, c'est Cicada, la formation grecque qui nous est arrivée dernièrement avec l'excellent album et leur troisième Harvest, et c'est ce qu'on écoute. Thank you. Butterfly crawling on the ground, but always. Vous écoutez présentement Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chanet. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. We'll be right back.

Eh bien oui, c'est déjà rendu le moment de vous présenter notre dernière pièce de la soirée. Ce soir, on vous laisse avec un groupe italien très connu, Banco del Mutuo Soccorso, et c'est un extrait de leur tout premier album que certains appellent la tirelire, et qui la pièce c'est R.I.P. Et ben, c'est avec ça qu'on vous laisse. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et je vous invite aussi à rester des nôtres, car l'autoroute suit dans quelques instants. Et c'était Michel Bilodeau et Marc Chonnet, depuis 22 heures avec vous. Bonne fin de soirée et bonne nuit à l'écoute de CKRL 89.1. CKRL, communication, culture. Durant le mois d'octobre, les cinémas Le Clap Sainte-Foy et Loretteville vous présentent Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait dès le 2, Souterrain dès le 9, Agatha, ma voisine détective dès le 16, Mon année Salinger dès le 23 et Viens jouer dès le 30 octobre. Éclatez-vous avec Le Clap à la maison, avec notre service en livraison ou pour emporter. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!